que cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre inférieure ne sera finalement et permanemment discréditée et abandonnée. Partout sera la guerre. C'est la guerre. C'est seconde classe citoyenne dans toutes les nations. Tant que la couleur d'un humain aura de la signification comparée à ses yeux. Et j'en passe. Tant que les droits universels ne seront attribués à tous sans distinction de race. Et j'en passe. Dans ce jour, le rêve d'éterniser la paix entre citoyens du monde ne sera qu'une illusion désespérée, qu'il faudra pourtant trouver les moyens de transformer en réalité. Et partout c'est la guerre, c'est la guerre, guerre. Que ce misérable malheureux régime tiendra nos frères en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, doivent cesser de sévir, complètement abolis. Et partout c'est la guerre, c'est la guerre, guerre. En attendant ce jour, le continent africain n'aura pas de paix. Nous, Africains, nous nous battrons si cela est nécessaire. Et nous savons que nous vaincrons, car nous sommes confiants à la victoire finale. La victoire finale du bien sur le mal, c'est la victoire de Dieu sur le diable. Sabari, sabari, sabari, sabari, sabari, sabari, sabari, sabari. Masanike à la Niche, Masanike à la Niche. Savari, savari, savari, savari. Aïe, savari. Enterrez les haches de guerre. Enterrez ces haches de guerre. Et en discuter, en discuter, en discuter.